Je vais vous parler donc du canal d'Alexandrie, du canal Mahmoudia, et de son impact sur la mobilité des personnes et l'emploi dans la première moitié du 19e siècle, essentiellement. Alors, j'ai choisi de commencer par cette très belle aquarelle de Balzac, qui a été faite au moment de l'occupation française de l'Égypte, pour rappeler que Alexandrie, avec deux ports de mer et un port fluvial étiré sur près de 6 km, offre une configuration complexe et particulièrement intéressante de l'articulation entre un fleuve et la mer. Dans ses fondements, le dispositif de port et un canal, pour aller vite, est ancien. Alexandrie a toujours été reliée par une voie d'eau à la plus occidentale des branches du Nil, dont elle dépendait pour son alimentation en eau potable. Mais il a été profondément recomposé, ce dispositif, par le percement, entre 1817 et 1820, d'un canal navigable donnant à la ville une communication directe avec le Nil. Ce canal, de surcroît, il est à la fois canal d'adduction pour l'alimentation en eau douce de la ville, canal d'irrigation pour la mise en valeur de son arrière-pays et voie navigable reliant la capitale de l'Égypte, le Caire, à la Méditerranée. Le canal Mahmoudia a joué un rôle considérable, non seulement dans le développement du port de commerce, auquel il apportait les produits agricoles de l'intérieur de l'Égypte qui faisait le gros du commerce d'exportation, mais également il a apporté à Alexandrie une large part de sa population. Alexandrie a à peu près 15 000 habitants au début du 19e siècle. En 1850, elle en a 100 000. Donc on voit que c'est un temps de développement important de la croissance démographique. Et donc c'est à mesurer l'impact du canal sur le développement urbain, saisi à la fois par les activités économiques et par les dynamiques de population, que je voudrais me consacrer dans cette communication. À la fin du XVIIIe siècle, le Khalig d'Alexandrie, donc qui n'est pas encore le canal Mahmoudia, le Khalig d'Alexandrie n'est pas un canal à proprement parler, comme son nom arabe le dit bien. C'est un écoulement naturel dont le lit est formé par l'érosion, qui dérive du fleuve et se jette dans la mer. C'est la définition de ce qu'on appelle en arabe un Khalig. Qui donc, par sa formation géologique, comme par sa position dans le réseau hydrographique, s'oppose nettement aux canaux qui, eux, sont percés de main d'homme. Tous les khaligs d'Égypte sont situés dans le delta et se jettent dans la Méditerranée, à l'exception d'un seul, qui est celui du Caire, qui se jette dans la mer Rouge. La particularité de ces anciennes voies d'eau, c'est qu'elles sont soumises au régime de la crue, et par là même aux alluvionnements extrêmement forts que la crue provoque. Le Nil apporte au moment de la crue énormément de terre. En certains endroits, il crée un sol neuf chaque année. Et du coup, ces voies d'eau ne sont généralement pas navigables de manière permanente. Au mieux, la navigation y est saisonnière. À la fin du XVIIIe siècle, le voyage est pratiquement durant toute l'époque ottomane en réalité, le voyage entre Alexandrie et le Caire se faisait non pas par la voie fluviale, mais par Rosette. On prenait une petite barque pour aller d'Alexandrie à Rosette, qui est à l'embouchure de la branche occidentale du Nil, et c'était par la branche de Rosette que l'on remontait vers le Caire. Le khalig que l'on voit ici sert essentiellement à l'irrigation de la ville en eau douce, un peu à l'agriculture évidemment. Et ce dessin de Balzac nous montre en effet. Alors, comment marche la petite flèche c'est pas ça. Voilà. Et l'on voit ici la prise d'eau sur le khalig. D'un aqueduc souterrain dont on voit ici un regard. Je vous montrerai une carte qui permet de voir mieux ce dispositif particulier. Ce dispositif de canalisation souterraine qui servait au remplissage des citernes de la ville, il est en réalité, à la fin du XVIIIe siècle, en ruine. Il ne fonctionne pratiquement plus et c'est par portage à dos d'homme, à dos de chameau, à dos d'âne, que se fait le transport de l'eau destinée au remplissage des citernes de la ville. Alors on a des quantités d'attestations, par exemple, dans les archives du tribunal d'Alexandrie, dans les années 1780, de la difficulté que la puissance publique a à entretenir les seules citernes sultaniennes, c'est-à-dire les grandes citernes publiques qui relèvent de son autorité. En revanche, dès cette époque-là, l'articulation entre le Khalig et la ville, comme le montre cette carte également prise par les ingénieurs dressée par les ingénieurs de l'expédition d'Égypte, l'articulation du canal se fait bien à la fois en direction du port ouest et en direction du port est, et ces aqueducs souterrains que l'on voit ici en pointillés bleu et blanc alimentent sur les ports des aiguades. On parle toujours de ces aqueducs pour l'alimentation de la ville, on oublie que ça sert aussi à fournir sur le littoral des aiguades qui permettent aux navires de s'avitailler et qui sont couplés, on le verra tout à l'heure, également avec des moulins, car un navire a toujours besoin d'eau et de pain ou de biscuits de mer. Donc, Alexandrie donc, a deux ports, de part et d'autre de la presqu'île, sur laquelle se concentre la ville à l'époque ottomane, mais au XVIIIe siècle, encore une fois, la navigation dans le port est, le mouillage dans le port est est rendu très difficile par l'envasement progressif de cette anse. On le voit d'ailleurs un peu au sonde, mais il y a d'autres cartes de marine qui nous le montrent beaucoup, beaucoup plus nettement encore. Le tombolo, c'est-à-dire l'envasement, l'alluvionnement progressif par les dépôts marins, est beaucoup plus important dans le port est qu'il n'est dans le port ouest. Et les navires, au XVIIIe siècle, sont obligés de mouiller par là, en plein centre de la rade, et dans des conditions assez précaires. Ils s'amarrent les uns aux autres. À la fin du XVIIIe siècle, j'ai un cas comme ça où 14 navires d'un seul coup sont coulés parce qu'ils se sont tamponnés les uns les autres à l'amarrage dans le port est. Or, depuis le Moyen-Âge, il y avait une partition des fonctions entre ces deux ports occidental et oriental, le port occidental étant interdit aux navires chrétiens, qui ne pouvaient mouiller qu'à l'est, et le port occidental servant à la fois au commerce musulman en direction du Maghreb et à la marine de guerre. Mais le problème, c'est qu'à l'époque ottomane, comme les travaux de Daniel Panzac l'ont bien montré, l'essentiel du commerce ottoman est assuré par ce qu'on appelle la caravane maritime, c'est-à-dire des convois de bateaux de commerce qui font le trafic entre Alexandrie et la Turquie notamment, ou entre Alexandrie et l'Europe. Et cette caravane maritime, elle est essentiellement composée de navires appartenant à des capitaines marchands européens, chrétiens. Très nombreux étaient les Provençaux, par exemple, qui faisaient ce commerce-là, mais il y avait également, pour le commerce en Méditerranée orientale, énormément de Grecs. Le port oriental avait donc une part croissante dans le volume global des échanges maritimes, et pourtant il était de moins en moins bien protégé et de moins en moins utilisable. Ces deux raisons, la dégradation du réseau hydraulique et la dégradation du port oriental, ont pesé d'un poids très lourd dans la décision que prend Mehmet Ali de d'abord ouvrir le port ouest aux navires chrétiens, dès 1810 à peu près, c'est-à-dire dès qu'il a lui-même pris le contrôle de la douane, qu'il a établi son gouvernement. Je suis obligée d'aller un peu vite, mais la date n'est pas du tout neutre. Donc le port ouest est ouvert à tous les navires, chrétiens et musulmans, et quelques années plus tard, il prend la décision donc de percer un nouveau canal. La construction de ce nouveau canal commence en 1817, elle va s'étirer sur 3 ans dans des conditions assez difficiles. Dans sa version finale, le canal est dû à un architecte marseillais, Pascal Coste, dont on voit ici une carte autographe qui montre le tracé du nouveau canal. Alors, on voit aussi sur cette carte le tracé de l'ancien Khalij, hein, et on voit bien, à la comparaison des deux cours, que l'un est un écoulement naturel et l'autre un canal. Ça se ressemble. On a été obligé, en raison d'un atterrissement qui s'était produit à l'ancienne prise d'eau, ici, à Rahmanea, de déplacer la prise d'eau vers l'aval, ce qui est exceptionnel dans l'hydraulique égyptienne du 19e. En général, on remonte les prises d'eau pour pouvoir avoir l'eau plus tôt. Ici, on l'a établi en face de Fouloua parce que ce coude dans le fleuve permettait d'avoir plus de courant et d'avoir une meilleure alimentation du canal. Le canal, je le rappelle, il avait une triple finalité, et notamment il devait concourir, ou on espérait qu'il pourrait concourir, aux irrigations d'étiage, au moment des basses eaux dans le fleuve, et donc il fallait établir son plancher très bas. Alors établir le plancher très bas dans des terres très basses, c'était un peu le gros du problème technique que Pascal Coste a dû résoudre, et il a eu notamment beaucoup de mal sur ce tronçon qu'il signale lui-même ici et qui était vraiment important, parce que pendant les affrontements entre Français et Anglais, les Anglais avaient fait sauter la digue qui séparait ces deux lacs, le Mariout et le lac d'Aboukir, et ils avaient donc d'abord contribué à saliniser le Mariout, ce qui n'était pas très intelligent, mais surtout rendu très difficile ensuite le passage du canal sur une digue, en quelque sorte, hein, sur des berges endiguées. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire du chantier, parce que je l'ai déjà écrit un papier sur ce thème il y a longtemps. Je veux simplement mentionner deux choses. C'est le premier des très très grands chantiers de l'hydraulique égyptienne du 19e siècle, qui va bouleverser du tout au tout le paysage égyptien. Et il est resté archétypal dans la mémoire égyptienne du coût, et notamment du coût humain, que représentent ces gros travaux d'utilité publique. Le deuxième point important dans les décisions qui s'imposent à Pascal Coste, et qu'on voit un peu sur cette carte, mais on y reviendra un peu plus tard sur d'autres cartes, c'est de déplacer l'embouchure du canal qui jusque-là passait, on l'a vu dans la carte de la description de l'Égypte, passait en siphon sous la muraille pour se jeter dans le port ouest, et qui désormais va s'établir en dessous du niveau de l'ancienne muraille, directement dans le port. Ce déplacement de l'embouchure dans la mer va permettre le développement d'un port de commerce infiniment plus important. Alors, je donne cette carte sur une image satellitaire avec le report du canal, simplement pour montrer ce qui constitue le parcours urbain, à proprement parler, du canal Mahmoudia, depuis le port de commerce, Amin al-Bassal, ici, jusqu'à Hagar al-Nawater, qui est un village de formation récente, je vais vous dire pourquoi, mais qui marque la sortie, en quelque sorte, du territoire urbain d'Alexandrie, dès le 19e siècle. Et c'est donc tout ce tronçon que je vais essayer d'évoquer. Je signale aussi ce canal percé en même temps que le Mahmoudia, qui aura une existence relativement courte, un peu plus d'un demi-siècle, ce qui est peu pour un canal en Égypte, mais qui a un intérêt assez spécifique. Il permettra pendant quelque temps de réalimenter l'ancien réseau souterrain qui était organisé autour d'une grande artère qui suivait la rue principale d'Alexandrie, à peu près selon cet axe-là. Voilà ce qu'on peut appeler, en tout cas, le système fluvio-maritime d'Alexandrie. Alors, la décision prise par Mehmet Ali en 1813 d'ouvrir le port de ouest à tous les commerces et le percement du canal vont donner au développement du port d'Alexandrie une impulsion considérable, que l'on peut mesurer simplement à la comparaison de ces deux images. La première, en haut, en 1839, nous montre la fusion des deux flottes égyptiennes et ottomanes au moment de la seconde guerre de Syrie. Et puis la seconde, qui date à peu près des années 1870, nous montre, 1890, pardon, nous montre les aménagements qui ont déjà été réalisés dans le port pour permettre l'accostage de navires déjà assez grands, qui sont pour beaucoup des trois-mâts barques. Le développement du commerce s'accompagne bien sûr du développement des équipements. Je vais aller assez vite parce que ce n'est pas vraiment mon objet, mais je signale ces écluses. Celles-ci sont tardives. Les premières écluses à l'embouchure du canal sont construites en 1842. Elles avaient pour objectif d'empêcher les remontées d'eau salée dans le canal, qui se produisait assez fréquemment, voire des inondations qui pouvaient même remonter assez haut sur le cours du canal. Et puis la seconde chose importante, c'est l'apparition de ces très très grands docks. Là, on est tout à fait au sud du port, dans la partie qui est réservée au bois et au charbon. Le charbon est un peu plus loin. Oui, c'est plus. Alors, pendant longtemps, les plus gros navires étaient, eux, encore une fois, obligés de mouiller assez loin du quai, et il fallait transborder les marchandises dans ces bateaux que, personnellement, je trouve très beaux, qui n'ont pas vraiment été étudiés, qu'on appelle des trieste, qui sont plutôt utilisés pour le transport des marchandises pondéreuses, donc le bois de construction qui est importé. Hein. Ce bois-là, il est importé de Roumélie, il est Macédoine, Anatolie, essentiellement. Et il est également utilisé pour les matériaux de construction, la pierre et essentiellement, alors dans l'autre sens, en venant de Haute-Égypte. Et puis pour ces grosses poteries qu'on utilise pour les roues, les machines à irriguer, les roues à eau. Là, on est au sud du port, devant l'ancienne douane. En tout début du XXe siècle, on va construire une douane beaucoup plus importante. Un petit coup d'œil sur ce qu'est la batellerie sur le canal Maraudé, tout à fait à la fin du XIXe au début du XXe. Voilà les rieses qu'on voyait déjà sur la photo précédente, des bateaux à fond très très plat, assez large, assez lourd, et donc qui servent au transport de ces matériaux. Ça, au contraire, c'est un type de bateau qui s'invente un peu avec le Maraudé, en tout cas dans la première moitié du XIXe siècle. C'est ce qu'on appelle des dahabeah. Ce sont des bateaux destinés au transport des voyageurs qui comportent une petite cabine fermée. Et les felouks, qui sont les bateaux les plus répandus et les plus traditionnels, eux sont des bateaux mixtes, marchandises et voyageurs. Alors les voyageurs sont dans des situations beaucoup moins confortables, évidemment, que dans les dahabeah. Mais c'est encore le mode le plus courant de navigation sur le canal et sur le Nil au XIXe siècle. Je fais remarquer, je ne suis pas du tout une spécialiste de la batellerie fluviale, ce serait passionnant de faire un travail sur ces bateaux du Nil et des canaux au XIXe siècle, mais il me semble que les flèches, les antennes de ces felouks sont très, très, très, très nettement plus grande que celle des bateaux contemporains. La mécanisation sur le canal est assez précoce. Elle se met en place dès 1840. Alors, d'abord avec des petits vapeurs Quedivio, un service du transit dont je vais vous parler un peu plus longuement, qui est créé en 1846. Et puis ensuite, avec ces petits bateaux, ça c'est un paquet, ce qu'on appelle un paquet. C'est un petit bateau à vapeur, affrété en réalité par la péninsulaire et orientale, ou Thomas Cook, c'est-à-dire les compagnies qui font le transit entre Alexandrie et Suez pour la Malle des Indes, et qui ont mis en place dès les années 1850, fin des années 50, ce service de petits bateaux à vapeur. Et puis ça, beaucoup plus tardif, là on est au début du XXe siècle, les trains de péniche qui existent encore. Alors sur le canal Maraudé, il y a de moins en moins, parce qu'il y a toute une partie du canal qui n'est plus navigable, mais encore très largement sur le fleuve. Les équipements le long du canal sont plutôt médiocres. On a des petits débarcadères comme ça, vous voyez, qui sont très très sommaires. Il n'y a pratiquement pas de pont, et la navigation entre les deux rives, le passage entre les deux rives, se fait sur ces bacs, ces mardéas, qui sont encore utilisés très couramment en Égypte aujourd'hui. Les seuls endroits où on a des aménagements plus importants, c'est sur la rive nord du canal qu'on voit ici. L'aménagement d'une route qui permet le halage des barques, et qui dessert par ailleurs toute une série de belles résidences, de campagnes ou de palais qui marquent le développement urbain durant toute la première moitié du XIXe. Alors, je vais passer maintenant, après ce survol extrêmement rapide, à une approche plus démographique et quantitative de ce que le canal génère. Et j'ai mis cette carte pour restituer ce qu'est le territoire administratif d'Alexandrie au XIXe siècle, mais même à l'époque ottomane, hein, le Cadi d'Alexandrie a juridiction de Dakhila, qui est ici, à Aboukir, le long d'une bande littorale assez étroite que j'ai restituée ici tant bien que mal, alors que la limite actuelle, évidemment, du gouvernorat d'Alexandrie, c'est cette grande ligne bleue. Elle a été considérablement agrandie par ces terres. Là, ce sont les subdivisions, les districts, par ces terres qui sont toutes des terres remembrées, reconquises à l'agriculture, largement grâce à l'aménagement hydraulique. Alors, j'ai utilisé deux cartes pour, je ne sais pas pourquoi elles sont là, j'avais pensé les avoir enlevées, pour restituer ce qu'est Alexandrie en 1848, au moment où est réalisé le premier recensement général de la population en Égypte. Le canal, bon, bien entendu, il est là. Hein. J'ai porté mention des deux quais un petit peu aménagés qui sont des quais spécialisés pour les vapeurs et pour les barques, avec les routes qui permettent depuis la ville d'accéder directement à l'embarcadère ici. Mais le port commercial, il s'établit au contraire tout à fait là, donc au sud de la fortification, dans une zone où se concentrent les activités de minoterie. Nous allons le voir, vous voyez que sur la carte, on a ici un très grand nombre de moulins qui sont portés, de greniers. Encore à l'intérieur de la ville, la halle aux grains, c'est là que sont commercialisés les grains. Parce que durant, disons, toute cette période qui va de 1820 à 1850, le port fluvial est d'abord un énorme port céréalier. Hein. On commence à avoir le coton, bien sûr, mais la production de coton décolle véritablement seulement dans les années 1835-45, donc le coton arrivera plus tardivement. Hein. À cette époque-là, c'est surtout le grain, les céréales, alors le blé, l'orge, le riz qui sont exportés depuis Alexandrie. Donc le gros des activités d'entreposage, nous le verrons plus nettement sur d'autres cartes, se situe ici. Ici s'établira le service du remorquage et du halage donc sur le Barcudea, avec d'ailleurs un petit quartier qui va se développer et prendre le nom de quartier des remorqueurs. Ces zones-là sont des zones d'habitat très très pauvres, dans lesquelles se concentrent les travailleurs qui sont mobilisés par toutes les activités qui se développent sur le Barcudea. À partir d'ici, c'est une zone au contraire donc de résidence et de palais, dont on va voir quelques exemples. Alors, quand on arrivait d'Europe par les beaux vapeurs des messageries maritimes au départ de Marseille ou de la P&O au départ de Southampton, on allait ancrer un peu dans ce coin-là, puis on prenait une petite barque pour gagner le quai ici, on traversait la ville pour aller vers la zone des hôtels et des consulats qui se trouvait autour de cette place, encore imparfaitement aménagée, la place d'Armes, qui n'est pas complètement urbanisée, qui va devenir la place des consuls. Et après avoir fait les petites visites indispensables à l'Alexandrie antique, vers les aiguilles de Cléopâtre et vers la colonne de Pompée, dite de Pompée, on prenait ensuite un ânier pour aller s'embarquer sur le canal Marcodéa. Je vais peut-être aller un peu vite. Voilà. La statistique que je vais vous montrer distribue la population de cette zone du Marcodéa en 8 unités censitaires. Alors, je n'ai pas pu mettre Dakhila sur cette carte, vous l'avez vu sur la carte la plus récente, mais voilà, on a Dakhila, Max, Marcodéa, Sharaq et Sharaq, Shukafa, Kara et Ritan, qui constituent les faubourgs du Marcodéa dans son ensemble. Ce recensement de 1848, il est intéressant parce que c'est la première fois qu'on a un recensement général de la population avec, ne vous inquiétez pas, avec l'enregistrement des hommes, des femmes, des adultes, des enfants, des libres, des esclaves. Et chacun de ces individus est enregistré, décrit selon une vingtaine de variables, dont une douzaine de variables fixes. Donc c'est un portrait sociodémographique extrêmement précieux. C'est ce document-là que je vais vous utiliser maintenant pour vous montrer ce que le canal a fait sur la ville. Donc voilà d'abord un tableau général de la distribution de la population. Alors la seule chose que je vais en retenir, c'est que les faubourgs sud, les faubourgs du canal Marcodéa, représentent 25 000 personnes, ce qui est considérable. Hein, pour donner un ordre de grandeur, Damiette, qui est le second grand port de l'Égypte, en fait 37 000 à la même époque, et cela représente 24% de la population totale de la ville, dans des zones où, en 1800, il n'y avait pratiquement pas d'habitat. Hein. Donc, voilà, déjà, l'ampleur du phénomène est perceptible à ce seul chiffre. Alors ensuite, une analyse des ménages montre que ces ménages sont très homogènes par un certain nombre de leurs traits. Ils sont tous musulmans, pratiquement, de 96 à 100%. Ils sont tous sujets du gouvernement égyptien, c'est-à-dire sujets ottomans relevant du gouvernement provincial égyptien, de 94 à 100%. Et ils sont tous considérés comme des non-résidents, non autorisés à résider à Alexandrie. Ce sont des migrants, hein, de 97 à 100% de migrants. Ce sont par ailleurs des gens vivant dans des conditions assez précaires. Hein. Dans 4 des 8 unités censitaires, c'est un habitat de cabane, de hutte en paille et en feuilles de palmier qui domine. 100% ici, 97 pour 86. Les seules zones un peu plus formalisées sont les plus anciennes. Ce sont des toutes petites maisons qui font en moyenne 20 à 40 mètres carrés au sol. Donc ce sont des gens plutôt pauvres. Ensuite, ce sont des ménages par ailleurs mononucléaires, hein, pour la plupart. Et quand on a des ménages polynucléaires, on a soit des fratries, des frères qui vivent ensemble avec leur famille et qui sont souvent des frères exerçant le même métier, soit des pays, des gens qui viennent du même village et qui souvent, encore une fois, exercent le même métier. La taille moyenne des ménages est faible, mais elle est faible dans l'Égypte de ce temps-là à peu près partout, sauf chez les tribus bédouines. Et l'âge moyen du chef de ménage est assez bas, entre 34 et 42 ans, avec une moyenne de 38, je crois. Quand on peut mesurer par les données qui nous sont apportées par le recensement la durée de l'installation à Alexandrie, c'est systématiquement noté pour la population rurale, donc ici la population des ouvriers des grands domaines, on s'aperçoit que ça fait 12 ans qu'ils sont établis à Alexandrie. C'est-à-dire qu'à peu près 12-15 ans après le percement du canal et 12-15 ans avant le recensement. Et l'âge moyen à la migration est autour de 27 ans. Moralité, les gens qui peuplent ces faubourgs sont des migrants, de jeunes, pauvres, et qui sont des travailleurs, en fait, dans différents services, dans différents secteurs qu'on va voir. Alors, j'ai tout de suite, évidemment, mesuré les villages, donc le poids des différentes régions d'Égypte dans les migrations internes, en m'appuyant sur la mention toujours donnée, toujours régulière, de la commune d'origine des individus. Et donc, on le voit, c'est le delta, très, très, très, très largement, qui fournit le gros de la population de ces faubourgs du Marcodéa. Ce qui nous montre que le canal est bel et bien pris dans un réseau de transport, de navigation, qui embrasse en fait toute la Basse-Égypte. La vallée n'est représentée, et c'est assez révélateur, que dans ces deux secteurs dont nous allons voir qu'ils ont un profil d'emploi assez différent. La distribution sectorielle de l'emploi, là encore, elle comporte des éléments auxquels on pouvait bien s'attendre, notamment le poids considérable des activités de transport, entreposage et manutention. On est dans un port étiré, mais un port. La minoterie est un peu une surprise, mais on a vu sur la carte qu'il y avait un très très grand nombre de moulins. Là, on peut voir le poids que cela représente dans l'emploi. C'est ensuite les activités du bâtiment, un peu gonflées, parce qu'on est en train de refaire la fortification d'Alexandrie. Donc la puissance publique elle-même a lancé d'énormes chantiers de construction qui emploient une grosse partie de ces personnes. C'est ensuite donc tout ce qui a lieu trait à la batellerie et au remorquage. Et puis c'est enfin l'agriculture qu'on s'étonne de trouver en si bonne position. Mais encore une fois, le canal était aussi un canal destiné à l'irrigation des cultures. Alors le poids de l'entreposage, il tient en partie au fait que jusqu'à l'extrême fin du 19e ou au début du 20e, là on est devant la nouvelle douane, et c'est une photographie qui est datée de 1903 si ma mémoire est exacte, durant donc tout le 19e siècle, le gros de la manutention et du portage se fait encore à dos d'homme. La minoterie, voilà donc les fameux moulins avant du Max. Et bon, des paysans qui apportent le blé à moudre au moulin, c'est une activité spécifique de cette région. Ces cinq principaux secteurs d'emploi se distribuent selon un très très fort zonage le long du canal, avec Darila et les unités sont classées d'ouest en est, en commençant par le sud de la façade maritime pour aller vers les champs tout à fait à l'est. On voit que Darila et Max sont les deux communes, si l'on peut dire, du littoral maritime, ont des profils radicalement opposés, avec l'un qui est presque entièrement dédié aux activités d'extraction, c'est des carrières en fait, et de production de chaux pour le bâtiment, et l'autre presque entièrement dédié à la minoterie. Le port marchand est représenté par, donc autour de Mina el Bassal, ce qu'on appelle aujourd'hui Mina el Bassal, jusqu'à l'embarcadère de Bab Sidra, est représenté par trois unités qui sont très comparables et très homogènes par la distribution des activités et où domine évidemment l'entreposage et la manutention. La quatrième, toujours dans le même secteur, un peu plus à l'ouest, elle est, voit apparaître les activités de la batellerie et du remorquage dans un quartier qui s'appelle d'ailleurs le quartier des remorqueurs. Et qui constitue au fond ces deux-là pris ensemble le port des voyageurs, un petit peu plus à l'est, si vous vous souvenez de la carte que je vous avais montrée. Et puis, beaucoup plus à l'est, le début de la campagne, en quelque sorte, mais en territoire alexandrin encore, avec ses grands domaines ruraux. Donc on a un gradient d'ouest en est qui est très fort selon l'activité. Le taux d'activité est très élevé. Et ce qui est plus surprenant, plus intéressant, c'est le poids de la commande publique. Vous voyez que dans l'ensemble de ces quartiers, sauf ici, je vais y revenir, le secteur public, en quelque sorte, représente entre la moitié et les deux tiers de l'emploi, ou plus. Alors, on pourrait croire que là, on est dans le triomphe du secteur privé, avec ses grands domaines de l'État. Eh bien, pas vraiment, parce que quand on regarde qui possède les plus grandes exploitations, donc là, je n'ai retenu que les domaines employant plus de 100 personnes, on s'aperçoit que d'abord, le plus gros propriétaire, c'est le gouverneur d'Alexandrie, Maharam Bey, qui est le gendre de Mehmet Ali, qu'on a ensuite son fils, qui possède encore des biens plus considérables à l'intérieur de la ville, et puis que c'est ensuite des grands dignitaires de l'État, mais qui sont très, très proches du prince. Boros et son drogement, et c'est le directeur du commerce et des affaires franques. Artin a été élevé dans la maison de Mehmet Ali, et c'est son secrétaire privé. Soupri, c'est le secrétaire de la chancellerie impériale. On est dans un tout petit monde. Et on a ensuite la direction des bâtiments, qui représente aussi un secteur d'emploi important. Total, l'appareil d'État représente encore, par les maisons privées des princes, une part très considérable l'emploi. Enfin, des donneurs d'emploi. Les autres propriétaires que j'ai regroupés en catégories agglomérées sont également intéressants parce que on y trouve, par exemple, on y trouve les partenaires commerciaux de Mehmet Ali, notamment le banquier Pastré, le banquier marseillais Pastré, mais également des Grecs, Zizinia, Antoniadis, qui sont des gens avec qui Mehmet Ali traite quotidiennement. Alors dans cette zone agricole, on a des beaux palais comme celui-ci, le palais numéro 3 qui est le style d'un yaleux de Constantinople, il a été construit par l'un des fils de Mehmet Ali, et ça c'est sur la rive nord, avec la route, voilà, que je veux un peu aménager, que je vous signalais sur la carte, et qui sert au halage, et puis en face des villages qui sont au contraire un peu abandonnés à leur indigence et à leur pauvreté. Dans l'avenir, la marque de l'évolution de cette zone, c'est d'abord cette fois la formalisation de une carte de 1910, la formalisation de cette zone de dépôt et d'entreposage, avec ici, cette fois, des entrepôts pour le coton. Tout ça, c'est le coton. Le bois et le charbon sont encore là, en marron. Et tout ce qui est vert, c'est le coton. Et puis, ces zones d'habitat précaire, qui étaient mes unités censitaires de 1848, qui sont toujours là, qui se sont fossilisées et qui représentent encore une part très considérable de la population. On les voit également ici. À la fin du siècle, mince, petit problème technique encore. À la fin du siècle, l'ensemble des quartiers que je viens d'évoquer est regroupé en 1897, regroupé 100 000 habitants, soit autant que toute la ville en 1848. Donc, vous voyez la courbe extraordinaire de cette croissance démographique. Alors aujourd'hui, le canal n'est plus navigable dans son parcours urbain. C'est un égout absolument épouvantable. Je n'ai pas voulu mettre une image aussi terrible pour terminer. Et donc je suis revenue à la vision élégiaque qu'en donnent les artistes avec cette très belle peinture de Karl Wuttke. Merci.